El padre de la noche. Ok, hey. NZ est sur la lune, NZ est sur Saturne, NZ est taciturne, en stud est assidume, ainsi est dur, sort tes burnes, fuck les urnes, faut des thunes, j'envoie béton pour des brunes, bilon, vodka, chouette, ça gruge, je les regarde se donner mal au crâne, tout ça pour quelques grammes, les morts ne nous envient pas, vos conneries, on n'en vit pas, fuck la morale, monte une boîte, enchaîne les rodes, qu'agresse des pattes, truc les cons comme Nicolas, ment comme Coca-Cola, mon gava, y'a pas de remords à avoir, le plus grand braqueur de France, c'est le fisc, vas-y douille les comptes publics. Receleur comme DSK, receleur comme Pasqua. Une seule loi, les promesses n'engagent que ceux qui croient. Faire pitié ou être envié, le choix est fait. On est détesté, on le sait. Toutes les bulles crassent au tir. Ils sont des rocs à des gros skis. Don Diego Armando Maradona. Le but de la main, qui ne s'en souvient pas. Faire pitié ou être envié, le choix est fait. On est détesté, on le sait. De toutes les bulles crassent au tir. Ils sont des rocs à des gros skis. Don Diego Armando Maradona. Le but de la main, qui ne s'en souvient pas. Les paluches faits pour le roro, mais ne savent que tricher. La juge à la langue poignante, les peines ne font plus que piquer. Prends du talon sur le terrain, noir désir. Dans la perche, sans hésiter, et on va saisir. Madonna, Madonna, à 16 puis j'agis des queues pendant que Wallen chantait Donna. Là où l'argent est roi, les sentiments ne sont plus maîtres. Un aller-retour de mec réglé au clic millimètre. Chef de Ben féroce, arme à la main, coup de crosse. Trinque la carte avec Bugs Bunny, nique le chef de poste. La banlieue c'est une banane que la France nous ont mis à tous. Trop de haine à évacuer, négro, où sont mes housses. Faire pitié ou être envié, le choix est fait. On est détesté, on le sait. De toutes les bulles crassent au tir. Ce sont des rocs à des gros skis. Don Diego Armando Maradona. Le but de la main, qui ne s'en souvient pas. Faire pitié ou être envié, le choix est fait. On est détesté, on le sait. De toutes les bulles crassent au tir. Ce sont des rocs à des gros skis. Don Diego Armando Maradona. Le but de la main, qui ne s'en souvient pas. Si malheureusement t'es plein de fric et que tu croises ma route, attends-toi à faire. V'là les poses du Kamasu, j'suis pas dans une bulle, négro. J'suis dans une soutière, elle est belle avec un zarzoul. Fais-lui le coup de panne du mazout. Et ouais, mec, toi tu taffes tes pecs. Tu penses qu'à l'hashtag, à ton image de depth, sur adopte un mec. Ici y'a que les dogs, que les dogs, que les thugs. Ça court après le fric dans le crâne, y'a eu un bug. Appelle-moi Gouloum, j'pense qu'à te fourrer l'anneau. Eh ouais, cogno, ici le loup est dans la peau de l'agneau. Fuck la politico, politico. Casse-toi, pauvre con, j'te la mets en douceur comme Zlatan, j'la mets au fond.